dos après un chaos. Monde parallèle, sans issue, comme une putain de caravelle. La ville est sous choc, les bourres, les toxes, les sirènes éclairent la peine. Les putes prennent leur paye, les appels. Saturent le 15, s'amusera encore en retard ce soir. Les adeptes prennent leur vie de chien vers le diable et son boulevard. Triche schéma, du pauvre solitaire encore plus seul. Insociable, la chance est une belle pute, elle finira pucelle. Quand la nuit tombe, les rares bâtards sont gris. Couilles mains imbattables, les taux se resserrent et cœur assombri. Si on vit la nuit, c'est que le jour nous a finalement banni. Blanco Belli, enfant du boulevard comme un pari. On est la race la plus haïe, mais la plus résistante. On a déjà trop gobé leur histoire délirante. Ghetto Fabulous Gang, couleur rouge affiliée. On pulvérise leurs monuments, nos bouches sont des mortiers. African West Coast, nocturne et sanguinaire. On n'est pas dans la savane, violence héréditaire. Fort fond des diagonales, lui me trouve au centre. Respire la poudre négro avant d'aller se détendre. S'attaquer aux plus faibles, frère j'ai mieux à faire. Plein de tasses et des clients, boy à satisfaire. Communication primaire, guette les signaux de feu. Dis aux frères de Champigny que je serai au bois sous peu. La rue est rouge, fume, tu arraches les thunes, nique les bulles. La résistance sous le bruit des balles, les poches de banane. Putain de gangsta life. Get the fuck, get the fuck. Alliance du mal et du mal, 93 et 9K. Chez nous c'est gangsta life. Get the fuck, get the fuck. La nuit en tourne parmi les sons. Un cri tienne, une vie tienne, écoute. La tragédie des hyènes. On traîne en pente dans la pénombre. Nerf dans les runes, paire de Nike Air. Au pire, regarde de travers. La nuit nous perce ou nous perce. Fusée à bombe, défend nos terres. Alien esprit, un Black Panther au rouge. Défend nos couleurs et nos frontaux. Sous la douleur et la froideur de ce monde. La nuit entraîne et manipule les poudres, les armes et les herbes. Un son de ghetto à la Fabulous Game. Alors on bouge dans la nuit, te bouille dans la nuit. Te baise dans la nuit, te frappe dans la nuit. Te fuck dans la nuit, ramasse du fric dans la nuit. On nique les flics dans la nuit, petit les hyènes dans la nuit. Gros t'es mort dans ma nuit noire. Encore un son pour la France qui se lève tard, qui baisse les stars, qui sont toujours devant quand y'a la maraca. Pour ceux qui se font hasard et qui balancent pas, qui renoncent pas, qui protègent le clan et la ronda. Fait tourner du shit dans le calumet. Bien sûr on est calibré, on est les enfants de la ZUP. Souvent convoqué chez le juge. La nuit y'a plus que la BAC et les bandits. Si tu tombes tu en sors grandi. Sur une table, la nuit on a bu la tasse. C'est as qui compte, c'est pas la chute mais l'atterrissage. En roue arrière sur un Raptor, on a niqué le halat. T'aspect m'appelle pas si je suis avec ma smala. La roue est fume, tu arraches les thunes, nique les bulles. C'est gangsta life, get the fuck, get the fuck. La résistance sous le bruit des balles, les poches de banane. Putain de gangsta life, get the fuck, get the fuck. Alliance du mal et du mal, 93 et 9K. Chez nous c'est gangsta life. Get the fuck, get the fuck. La nuit en tourne parmi les sons. Un cri tienne, une vie tienne, écoute. La tragédie des hyènes. J'y frère. Lorsque la nuit tombe, c'est le royaume de la pénombre, mon pote. Lorsque les rappeurs rentrent dormir chez papa et maman, sortent les vrais bonhommes, mon pote. 400 yens, Alpha 520 pharmacie. On flic tout seul, on le pousse, raille. 9-3, c'est l'axe du mal, l'axe du mal. Val-de-Marne, Champigny, c'est l'axe du mal, l'axe du mal. L'axe du mal.